طيب، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. هكذا بزبي، وما يضاف إليه الكلام. طيب، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. طيب، ينيس اقرأ. تلوليب مرزي ليه. Cette règle, en fait, nous déjà, dans les asma aussi faites, cette règle elle est très importante. Dans les asma aussi faites, quand on a un nom ou un attribut, al-asl, la règle, c'est qu'on lui donne zahir al-nas. On dit zahir al-nas yadullu ala hadha. C'est-à-dire que tu prends que le côté apparent et le sens propre du texte. Et tu ne vas pas lui donner un autre sens. D'accord ? Tu ne vas jamais lui donner un autre sens que si le contexte le prouve. Vous avez compris ? Que si le contexte le prouve. Ça, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que justement, ظاهر النص, ou ce qu'on appelle aussi le majaz en arabe, que les ulama, ils ont divergé. Le majaz, c'est le sens figuré. Ça veut dire, par exemple, j'ai vu un lion faire une khutba. Tu vas comprendre tout de suite que c'est un homme. Mais c'était seulement, il avait le cri d'un lion, il avait la prestance, le charisme d'un lion, et l'akhir. D'accord ? Donc ça, c'est un sens figuré. Certains, donc, le Mubtadi'a, ils viennent avec cette porte-là. Le Mubtadi'a, ils viennent avec quoi ? Ils viennent avec cette porte-là. Ils disent, puisque le majaz, le sens figuré, existe, même dans la langue arabe, et ça, c'est aussi, ça reste à prouver, parce que Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, a fait un long rad sur ça, et même Shinqiti, il a khiré, il y a des ulama qui ont rad et qui ont dit que le majaz n'existait pas dans la langue, hein, et que, en réalité, c'était un autre tahqiq dans le masala. C'est-à-dire qu'il y avait une autre vérification à faire dans la question elle-même. Mais on revient sur ce que disent les Mubtadi'a. Mubtadi'a disent quoi ? Ils disent, voilà, tu as le sens propre et tu as le sens quoi ? Figuré. Vous avez compris ? Ils disent, ça c'est majaz. Le lion qui retombe là, c'est aussi un majaz. Taïb. Eux, ils vont utiliser le majaz pour arriver à leur fin. C'est quoi leur fin ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, mathalan, quand il dit qu'il a une main, Allah subhanahu wa ta'ala, ou deux mains. Il a deux mains, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, eux ils vont dire quoi ? Ils vont dire, non, la main c'est le quwwa. D'accord ? Déjà, est-ce que ça voudrait dire qu'Allah il a que deux quwwa ? Ça, on peut leur répondre même comme ça. Allah il a le quwwa, inna le quwwa talillahi jami'a, sah ? Allah il a la force absolue. Mais pourquoi on dirait ici quwwa ? Eux ils te disent, c'est la quwwa. Pourquoi ils disent c'est la quwwa ? Ils te disent, parce que en langue arabe, Aliyet, la main, quand tu dis j'ai eu une main sur Foulen, d'accord ? J'ai eu une main sur un tel, d'accord ? Ça veut dire que tu l'as aidé, tu as eu un secours, tu as eu une force sur lui. Mais faut, vous avez compris ? Taïb. Ils te disent, puisque ça existe dans la langue arabe, pourquoi nous on ne changerait pas ? Pourquoi on ne dirait pas ça ? Mais faut, tu dis, nous c'est comme ça. Et ainsi de suite, tous les autres. Tout ce qu'ils veulent awwal, d'accord, tout ce qu'ils veulent interpréter à leur fin et à leur manière, ils vont utiliser ce qu'on appelle le majaz à chaque fois. Le majaz, le sens figuré. Vous avez compris ? On va dire ça c'est majaz, ça c'est majaz, ça c'est majaz. Très bien. Nous le majaz, Déjà, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit dans Sawa'iq al-Mursala, il dit que le majaz, le sens figuré, c'est un taghout. Allez, hop. Lui, il raque ça, il dit c'est un taghout, il ramène toutes les preuves. Et khalas, il le démonte, hein, l'histoire du majaz. Il dit ça n'existe pas, ni dans la langue arabe, ni dans la langue des sahaba, ni dans la langue du prophète, alayhi sallam, ni rien du tout. Voilà, khalas, lui, c'est réglé. D'autres ulama, ils ont dit oui, il y a juz ou le majaz fait dans la Laura, mais pas dans le Coran, ni dans la parole du prophète, alayhi sallam. Alors chacun, il va faire ça de sa manière, peu importe. Moi, pour moi, le majaz, c'est un taroud, c'est pareil que Ibn Qayyim, on est comme ça, on est réglé. Parce que ça n'existe pas, ça. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment on fait alors quand on a l'histoire de ce que tu viens de nous dire, là, vous êtes, quand tu nous dis, j'ai vu un lion faire une khutba. Ça? Comment? On va le classer dans quoi, ça? Ça? Est-ce qu'on va le classer dans un majaz? Qu'est-ce qu'on va dire de ça? Peut-être l'oratène, tu vas dire que c'est un majaz. Peut-être. Et c'est pour ça que certains savants ont dit, ont permis le majaz, l'oratène, le sens figuré. Mais ceux, en tout cas, qui ont fermé cette porte-là, ils l'ont fermé par rapport à quoi? Ils l'ont fermé par rapport à ces mubtadi'a là. D'accord? Et qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de majaz. Mafoum, eux, ils ont fermé la porte, comme Ibn al-Qayyim. Est-ce que vous avez compris? Taïb. Maintenant, vous allez me dire, mais nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous, Ahl Sunnah, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire comment on est passé de lion, comment on est passé de lion à un être humain. On leur dit, ben, c'est simple, c'est le contexte. Ça, ah là là. Ça, ah là là. Khalas. Si tu vois par exemple quelqu'un qui est costaud, d'accord? Quelqu'un qui fait deux têtes de plus que toi, et qui doit faire au moins 50 kilos de plus que toi. Je te dis, vas-y, pose la question à l'armoire à glace. Là. Je te dis ça. Tu vas comprendre direct qu'il faut que je lui pose la question à lui. Ça, ah là là. Pourquoi? Parce que l'armoire à glace, chez nous, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est costaud. Mais c'est à cause de quoi? C'est à cause du siyaq. C'est le siyaq, c'est le contexte de la situation qui fait que. D'accord? Donc, en réalité, il n'y a pas de majaz dans la langue arabe. En réalité, c'est un usloub, c'est un style de la langue arabe. Suivant quoi? Suivant le contexte. Vous avez compris? On va pas l'appeler majaz, nous. Vous avez compris? On va pas l'appeler majaz, nous. On va dire, suivant le contexte, eh ben on va donner le kalam, le sens. Vous avez compris? Donc, et c'est pour ça que Cheikh l'Islam, il a un autre kalam, comme celui-là dans un autre livre. Il dit que le siyaq, le contexte, c'est la chose la plus importante pour savoir la vérité du faux. D'accord? Il dit, il faut toujours regarder le siyaq, faut toujours pour bien déterminer une chose, il faut toujours regarder le kalam qui est avant et le kalam qui est après. Pas comme le font certains, là, ils découpent, hein, ils font des puzzles. Hein, ils coupent là, ils disent, ah, regarde, il a dit ça. Ils ne regardent pas le kalam qui est avant, ils ne regardent pas le kalam qui est après. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'art de toujours avoir raison. Tu viens, tu prends un petit kalam là. Si je prends ta vie, moi, tout entière, et je l'ai enregistrée, je prends une parole là, je prends une parole là, je prends une parole là, je fais du découpage, après, khalas. Hein. C'est facile après de dire sur toi ce que je veux. Ça, ah là là. Mais justement, Cheikh l'Islam lui disait quoi? Il disait qu'il fallait regarder à chaque fois le contexte, le kalam qui était avant, le kalam qui était après, afin de comprendre l'objectif du kalam. Vous avez compris? Donc là, ici, il te ramène cette parole-là, Cheikh l'Uthaymin, pour te dire qu'à la base, quand tu as une parole, c'est le quota. Par exemple, moi, je te dis. Une armoire. Bah, tout de suite, tu comprends c'est quoi une armoire. Tu sais c'est quoi une armoire. Je te dis un mur. Je te dis un village. Tout de suite, tu sais c'est quoi. Khalas, t'as appris ça, tu sais c'est quoi. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha, صح? Al-bahr, tu sais c'est quoi. Hein, as-sama, tu sais c'est quoi. Khalas. Mais suivant le contexte, ça va être autre chose. صح? Suivant le contexte, bah, l'armoire, on a donné un mithel. Al-Bahr, par exemple, je dis aujourd'hui, j'ai vu un océan de ma'loumat, un océan de connaissances. Ça veut dire que tu as croisé un savant. Tu as parlé avec un savant, il a akhir. Et ça existe dans le kalam des Arabes. Et on ne va pas dire que c'est quoi? On ne va pas dire que c'est un majaz. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le dalil? Il va ramener les dalils. Les dalils, c'est quoi? C'est, par exemple, là, attendez, je ne sais pas s'il le donne là. Non. Ouais. Si, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha. Tayyib. Ou alors, was'al al-qarya. Et interroge le village. Est-ce que toi tu vas interroger les murs du village? les portes. Non, c'est un exemple qu'il donne, hein. C'est pas pour faire rire. Il dit, est-ce que tu vas interroger les murs, les kada, le puits? Là, quand tu dis as-sal al-qara, yani ahl al-qarya. Vous avez compris? Mais eux, en réalité, pourquoi le mubtadi'a, ils sont passés du sens propre au sens figuré. Du côté apparent, au quoi? Au majaz, ce qui s'appelle e majaz. Ou au ta'wil, hein. Ça soit un ta'wil, soit un majaz, tu l'appelles comme tu veux. À partir du moment où ils l'ont tordu, à partir du moment où ils l'ont interprété de leur manière, khalas, tu l'appelles ce que tu veux. D'accord? Eux, pourquoi ils ont fait ça? Vous vous souvenez quand on vous a dit Wadja'a Rabbuk, wal malaku, safan safa. Ça? Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Amr Rabbik. Est venu l'ordre de ton Seigneur, est venu le décret de ton Seigneur. Au lieu de dire que Yom al-Qiyam Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui viendra en personne, ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est l'ordre, c'est le décret d'Allah qui vient. Pourquoi? Hein? Parce qu'ils ont peur du tashbih. Donc eux, lorsqu'ils ont eu peur du tashbih, nous on dit, il vient, laïsa kamithlihi shay, voilà, ça s'arrête là. Eux, ils se sont imaginés un Dieu, ils se sont imaginés un ilah, qu'il est possible qu'il y ait quelque chose peut-être à côté ou au-dessus ou en dessous de lui, il a khéré, d'accord? Et ils n'ont pas affirmé l'existence de quoi? D'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ça, alors l'existence de la ru'ya, c'est-à-dire la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle le ta'wil. Et comme ils ont vu que dans la langue arabe ça existe aussi, eh bien ils l'ont interprété de cette manière-là. Parce que c'est vrai, des fois tu peux dire Wadja'a Fulan. Mais en vérité, c'est quoi? C'est son ordre. Ça, c'est possible. Mais nous, on va lui demander quelle est la qarina, quel est l'indice qui t'a fait sortir de quoi? De la réalité de la chose vers le sens figuré, le sens propre vers le sens figuré. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est pas parce que ça existe dans la langue arabe, hein, qu'on va forcément quoi? Qu'on va forcément l'utiliser. Est-ce que vous avez compris ça, Inch'Allah? On veut lui dire quel est l'indice avec les... Et quand tu poses la question, tu vas lui poser la question, tu vas dire c'est quoi l'indice? Il va dire ah non, c'est pas possible, c'est du teshbih. Ah bah voilà, voilà, c'est du teshbih. Bon, maintenant là on rentre dans un autre niqash, t'as compris? Et le niqash du teshbih, il est simple. Laysa kamithlihi shay, et tout ce qu'on a vu jusqu'à auparavant. D'accord? Mais il faut déjà que tu le recadres, toi. Il faut déjà que tu l'apportes dans ce débat-là. Il ne faut pas qu'il commence avec le sens figuré, la langue arabe, et il reste dedans, et il joue avec toi là-dedans. Non, toi, c'est toi qu'il faut que tu le prennes, et tu le tires, et tu le ramènes vers quoi? Vers toi, en vérité. Ce qui t'a empêché de faire ça, c'est parce que tu t'es imaginé un Dieu. Alors que quand tu t'imagines Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay, wa sami'a. Rien ne le ressemble. Pourquoi tu vas t'imaginer quelqu'un qui rien ne le ressemble? Rien ne ressemble, khalas, tu t'arrêtes. Eux, non. D'accord? Ils ont dit parce que tu vas le faire ressembler aux créatures. Mais qui l'a fait ressembler aux créatures puisqu'il ne ressemble à rien, à Allah? Rien ne le ressemble plutôt. Mafou? Donc, il t'a ramené cette règle-là, Shir, et là, on va voir pourquoi il ramène cette règle-là. طيب ensuite il dit فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية يا أهل ليسي ونقول صنعت هذا أو صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له وفي الآية أضيفت إلى الخلق فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. طيب Qaria qui veut dire riche, village. Très bien. On peut parfois désigner par celui ici le peuple et parfois les habitations du peuple. Très bien. Des fois on veut dire les habitations et des fois on veut dire le peuple. Vous allez dire oui, et quand est-ce qu'on sait? Siak. Le contexte. Ma foi, on regarde le au texte. Pour la première signification, il y a la parole du Très-Haut et du peuple, si ce n'est que nous détruisons avant le jour de la résurrection, nous les châtirons d'un terrible châtiment. Pour la deuxième signification, il y a la parole du Très-Haut concernant les gens qui font les autres leur parler. Nous détruirons les habitants de ce peuple. On dit, j'ai fabriqué cela de ma main. La main ne peut être comme la main dans la parole du Très-Haut. Taïb, si moi je vous dis, voilà, j'ai écrit ça de mes mains ou j'ai fait ça de mes mains. Taïb, moi, je suis un être humain, c'est moi qui dis ça. Donc tu vas me l'attribuer à moi, à un être humain. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai créé ça de ma main, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les deux sont la même chose? Non. Moi, je suis une créature et Allah c'est le créateur. Est-ce qu'il va y avoir... La seule ressemblance, c'est peut-être dans le lave, c'est-à-dire dans le lave, c'est-à-dire le terme en lui-même, hein, utiliser la création ou utiliser le fait que tu as fait cette chose-là de tes propres mains. Mais est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. C'est deux entités différentes. C'est deux réalités différentes. Allah, son fi'l, l'acte d'Allah, n'est pas égal à celui de l'insan. Ça, ou là? Mafoum? Taïb. Donc à chaque fois qu'il va y avoir une sifa, n'importe quelle sifa, si elle est annexée, c'est par rapport à cette, on va dire, de comment elle est annexée, que tu vas l'attribuer cette chose-là. Vous avez bien compris ça, Inch'Allah. Elle est annexée aux créatures, khalas c'est aux créatures. Elle est annexée aux créateurs, khalas c'est aux créateurs. Est-ce que les deux sont les mêmes? Non. Puisque l'une est annexée à un et l'autre à l'autre. Mais fou, Mirouane. Taïb. Et ça, c'est aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a. Hein, il te dit, quelqu'un qui a un aql, personne ne peut dire que nous faisons du tashbih en disant ça. C'est vous faites du tashbih. Vous avez fait du tashbih avec votre esprit. Vous avez voulu enlever ce tashbih de votre esprit. Alors vous êtes tombé dans quoi? Vous êtes tombé dans autre chose qui est quoi? Le ta'til. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Le ta'til, c'est-à-dire la négation. Ils ont fait... Le nas, il est venu, et ils ont fait du tashbih, ils se sont imaginés d'abord l'erreur qu'il ne fallait pas faire, ils ont fait du tashbih, et après ils ont dit « Laysa kamithlihi shay », et après ils ont refusé le nas à cause de ça. Vous avez compris? Ils ont refusé le nas, ou alors interprété le nas à cause de ça. Vous avez compris? Le texte, le nas. D'accord? Nous, non. Nous, le texte, il est venu, on a tout de suite compris que c'était... une annexe à l'être concerné, et on est venu tout de suite en rempart à la pseudo-imagination, si on peut l'appeler comme ça. On est venu tout de suite en rempart avec quoi? Avec le verset qui dit Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir. Vous avez compris? Nous, on n'a même pas eu le temps de mafhoum. Pourquoi? Et ça prouve aussi l'istislam. Ça prouve la soumission au texte aussi. Vous avez compris? Nous, c'est direct. Le texte, il est venu. Allah yed, Allah lahu yedan, Allah kada, Allah kada. Khalas. Nous, laissa kamithlihi shay. Eux, non. Eux, ils ont fait une autre étape avant toi. Ils ont fait le tashbih. Après, ils ont dit non. Si on fait ça. Mais vous savez pourquoi ils ont fait tashbih? Et c'est là la subtilité. Si toi, tu as compris tout le mécanisme, tu as tout compris dans l'esmo aussi, fait. Pourquoi ils ont fait tashbih? Pourquoi tout de suite? Ils sont venus, ils ont fait le tashbih dans leur tête. Allez. Voilà. Non, le tashbih, la ressemblance. Pourquoi ils se sont imaginés, on va dire? Voilà, parce que c'est ça la première étape. C'est ils imaginent, et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent. Ils rejettent par l'interprétation ou par la négation. Il y en a, ils sont directs, ils font la négation comme les Jahmiyyah. Et il y en a quoi? Hein? Et il y en a, ils font le ta'wil. D'accord? Comme les Asha'ira. Les Asha'ira qui sont en réalité les petits-fils de l'Jahmiyyah. Quand je dis les petits-fils, c'est hiérarchique. Il y en a, c'est direct et il y en a, ils sont moins directs. Les Asha'ira, ils sont moins directs. Pourquoi? Souvenez-vous, on en a parlé au début. Ce mécanisme-là, une fois que tu l'as compris, tu comprends tout. Ouais. Pourquoi ils se sont arrivés là tout de suite? Ils se sont demandé comment, mais pourquoi c'est venu ça? Pourquoi il y a eu, ils se sont demandé comment. Par exemple, quand tu lui dis, Wadja Arabouk, c'est l'aql. L'aql. Vous avez compris? Cheikh l'islam, quand il a fait Dar ta'arad al-aql wa al-naql, pourquoi il l'a fait? Dar ta'arad al-aql wa al-naql, je vous ai expliqué rien que le titre, il veut dire ce qu'il veut dire. C'est le fait de repousser. Hein, non. Le fait de repousser. Non. Le fait de repousser la supposition de dire qu'il y aurait une contradiction entre le aql, la raison, et le naql, et le texte. Bon, déjà, le titre, je ne sais pas comment il va le traduire, celui-là, un jour il va le traduire, mais c'est. Vous avez compris, Inch'Allah? Ça veut dire que le aql ne va jamais en contradiction avec quoi? Avec le naql. Lui, avec ce titre-là, il a fait un rad à tous ces gens-là. Eux, le aql dit, pour eux, le aql. Allah nous a donné un aql, ça? Ça, c'est eux, hein? Je vous dis tout de suite. Comme ça, vous ne dites pas c'est. Hein? Allah nous a donné un aql. C'est le seul outil qu'il nous a donné pour comprendre quoi? Les nosos, etc. D'accord? Alors, à chaque fois qu'il va y avoir un texte, j'ai le droit, moi, d'utiliser mon aql. D'utiliser mon aql pour le comprendre de la manière que je veux. Mafoum? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Tayyib. Et si ça va avec la logique, mafoum, c'est bon, je l'accepte. Mais si ça ne va pas avec la logique, je ne l'accepte pas. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris? Donc c'est comme si qaddam le aql à quoi? Au naql. C'est comme si il devançait le aql, il le mettait devant le texte. Vous avez compris? Tayyib. Et en réalité, les deux, si le aql est bon, comme on a dit, il ira en concordance avec quoi? Avec le texte. Si le aql, il est bon, il n'est pas pollué. Ma foi? Par les sciences de rhétorique et de logique, la grecque, là, qu'ils ont pris, et qu'après, ils étaient complètement sonnés, et après, ils ont commencé à appliquer ça dans les nosos, un peu comme ils voulaient. Hein? Taïf. Alors, comme je vous ai dit, comme il a dit le frère Yanis, la première étape, les frères, c'est l'aql. Il dit, puisqu'Allah nous a donné ce aql-là, alors nous, à chaque fois qu'on a un texte concernant les asma ou sifat, qu'est-ce qu'on va dire? On va ramener l'aql. Le aql, il va nous dire, est-ce que j'accepte ou j'accepte pas l'histoire de l'Yed? L'histoire de l'Yed d'Allah. Est-ce que je vais l'accepter ou je ne vais pas l'accepter ce truc-là? Je vais regarder. Si je dis Yed, automatiquement je les fais ressembler à quoi? Aux créatures. Chauffe déjà, il a commencé là. Déjà le mushkila, il a déjà commencé là. Mais pourquoi il a commencé le mushkila? Parce que déjà il a donné une place à son aql. Vous avez compris? Alors que nous, Ahl Sunna, tout ce qui est raïb, tout ce qui est invisible, on ne donne pas de place à notre aql. Vous avez compris? Nous, on vient tout de suite. Regarde, s'il était venu tout de suite à ce moment-là, il aurait tiré le texte, là, le nas, laysa kamithlihi shay, khalas. La majala lil aql, sah? Il n'y aurait aucune place pour le aql à ce moment-là. Et il aurait fait une soumission totale. Yad, yad, taliqu bihi, subhanahu. Et c'est pour ça que les sahaba, radiallahu anhum, ils ont compris de cette manière-là. Si les sahaba, radiallahu anhum, il y aurait eu une ambiguïté, par exemple, comment dirais-je, une utilité même, une utilité à parler des sifat et des asma et ils auraient demandé au prophète, ça? C'était ahrasan nas ila al-khair. C'était des gens qui étaient harisin ila al-khair. Ils étaient attentifs ou bien, ça? Alors ils auraient dit, Ya Rasulallah, on ne comprend pas ça. Ya Rasulallah, on ne comprend pas telle chose. Mais pourquoi Allah il a dit ça? Et pourquoi? Ça? Mais hachahum, ils n'ont pas dit ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout de suite compris. C'est là, ça te prouve la pureté des esprits et de leur intelligence qu'ils avaient, les Sahaba. Hein? C'est qu'ils ont tout de suite compris que lorsque c'était annexé au Créateur, khalas. Pour eux, ils ont compris direct que al-kalam fi sifat kal-kalam fi dhat. De parler sur les attributs d'Allah, c'est comme parler sur la propre personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Ils ont compris tout de suite. Et si un aql, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien zekki, nous a bien loué un aql, et nous a dit que c'était le meilleur des supports qui a compris la religion, qui étaient les sahaba, ben nous on doit rester sur leurs traces. Vous avez compris ça, inshallah? Tayyib. Et est-ce que ça va en contradiction, nous, ce qu'on dit maintenant, nous, Ahl al-Sunnah, notre aqidah, est-ce qu'elle va en contradiction avec les nosos? Non. Est-ce qu'elle va en contradiction avec le aql? Non. Le aql ne peut accepter que ça. Le vrai aql, qui n'a pas été pollué, ne peut accepter que ça. Mais eux, cet excédent qu'ils ont eu là, hein, cette exagération qu'ils ont eue, les Ahl bid'ah, ça les a menés à dire ce qu'ils disent. Vous avez compris ça, inchallah, les frères? Et donc, eux, la première étape, c'est quoi? C'est ils ont fait, ils ont apporté l'aql quelque part. Nous, on leur dit, l'aql, là, normalement, le vrai aql, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, ça fait partie des choses du raïb. C'est ça le vrai aql qu'il va te dire. D'accord? Il va dire ça, ça fait partie des choses de l'invisible. Puisque ça fait partie des choses de l'invisible, on va ramener le texte qui prouve que je n'ai même pas le droit de rentrer dans ce majel-là. Et que je dois me soumettre, à ce texte-là, quand je dis me soumettre, c'est-à-dire avec les sans faire de tahrif, sans faire de kada, sans faire de kada. Vous avez compris? Mais c'est subtil quand même. Hein? Taïb. Il n'y a quoi? Il n'y a de zayd que vers toi. Et il n'y a, et au début, comment il l'a traduit? Il n'y a vers toi que zayd. D'accord. Ma indek el zayd, ouais. Et l'autre, c'est il n'y a de zayd que vers toi. D'accord. La deuxième phrase produit un sens autre que celui produit par la première phrase avec pourtant en commun les mêmes mots. Cependant, l'intention des mots diffère et le sens change. Bon. Taïb. Ce que vous avez compris, cette masala, ça veut dire quoi? Ça veut dire, suivant le terkib, l'agencement des mots, tu changes, malgré que tu vas utiliser les mêmes mots, tu vas utiliser les mêmes mots, et ça va changer le sens. Le sens, suivant quoi? Trois mots, tu les changes de place, ça change le sens. Ça, alors il veut te dire que même dans la logique, la shir, il parle que avec la logique, même dans la logique des choses, tu dois prêter attention à cette histoire de quoi? À cette histoire de contexte. Mais vous, c'est ça qu'il veut dire, chéri, ici. Vous avez compris, inshallah? طيب, après, il dit, إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَظَاهِرُ النُّصُوصِ الصِّفَاتِ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا إِلَى الذِّهْنِ مِنَ الْمَعَانِ وَقَدْ انْقَسَمَ النَّاسُ فِيهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. القسم الأول, من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك, وهؤلاء وهم السلف والذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. طيب مزي تفضل. طيب. Ouais, est-ce que tu veux? Les gens sont les prédits de Dieu. Ceux qui se sont rassemblés sur la voie, sallallahu alayhi wa sallam. Ses compagnons et ceux dont le nom de Ahlus Sunnah wal Jama'a sont bien. Bon, alors, après qu'on ait vu, on a vu deux choses là. La première des choses, c'est quoi? C'est que les paroles, suivant le contexte, elles changent. Ça? Suivant le contexte, ça change. Ça existe dans la langue arabe, pas la peine de parler du majaz. Le majaz, si on peut en parler dans un autre livre, etc., on pourra en parler, inshallah ta'ala. Mais que la seule sortie, entre guillemets, pour l'histoire du majaz, on dira que ça existe chez les arabes de dire telle chose, suivant le contexte, de lui changer complètement son sens ou sa réalité. Comme je vous ai expliqué par exemple avec Ra'aytu Asadan Yakhtub al-Jumu'ah. Tu sais que c'est pas un lion qui est monté sur le minbar. Tu sais que c'est quoi? C'est un être humain mais qui était shuja' ila akhirih. D'accord? Ou alors, comme je vous ai, le mithal que je vous ai donné, et interroge le village. Quand tu interroges le village, tu vas interroger le village. Est-ce que tu vas interroger les portes, les kadas? Là, tu vas interroger les gens du village. Mafoum? D'accord? Mais ça, c'est le contexte qui te le prouve. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala dit je vais détruire ce village, oui, il va détruire le village et les gens du village. Parce que pour détruire les gens du village, il faut détruire aussi quoi? Le village. Mafoum? Taïb. Donc, on a compris ça. Maintenant, il va te dire, il te dit, même avec la rhétorique, même avec la logique, les gens, ils se divisent en combien dans ça maintenant? Dans l'histoire de Zahir al-Nusus. Zahir al-Nusus, c'est quoi? C'est le côté apparent du texte. Il y a un texte qui arrive, les gens, comment ils se sont comportés par rapport à ces textes-là? Il va diviser les gens, il va dire, voilà. Il y a eu les premiers qui ont fait ça, les deuxièmes qui ont fait ça, les troisièmes qui ont fait ça. Mafoum. Là, il te dit quoi? Il te dit ceux qui ont pris le côté apparent des textes. Ça veut dire que ça, c'est la règle générale. Ça, c'est la règle que tu dois avoir. Chaque texte qui vient à toi, qui parle d'une sifa, d'accord? D'un attribut ou d'un nom, tu dois dire directement, tu dois te soumettre, tu dois te dire ce texte-là, il est comme il est. Et je crois. Et j'affirme le côté apparent de cette chose-là, sans faire ni de mauvaises interprétations, ou de négations, ou de comment, ou de. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Khalas. Tu te soumets directement. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est bien compris? Qui sont ces gens-là? D'abord, il te dit, les salaf as-salih. As-salafu as-salih. Salaf, ça veut dire quoi? Ça veut dire prédécesseur. Mafoum, celui qui t'a devancé dans quelque chose. C'est ça que ça veut dire, as-salaf. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à Fatima, Ana khayru salafin laki. Je suis le meilleur prédécesseur pour toi. D'accord? Et Ibn Taymiyyah, rahimallah ta'ala, disait, na'am, il disait, Ibn Taymiyyah, rahimallah ta'ala, wala aiba liman intasaba ila madhhab as-salaf. D'accord? Il disait, Ibn Taymiyyah, qu'il n'y a pas de mal à se référer de parmi le madhhab, la voie des salaf. Et dans certaines tarajim, dans certaines biographies, l'imam al-Dhahabi, il disait Wa kana fulan, et un tel était salafi. Wa kana salafiyan. Salafiyan, c'est celui qui se réfère à la première génération. La première génération de ceux qui ont suivi quoi? Le Coran et la Sunna, dans quoi? Dans ses enseignements, dans ses enseignements les plus purs et dans leur manière de faire et dans leur discipline et l'akhiré. Ça, c'est les salaf salih qui en réalité se réfèrent à qui? Au prophète alayhi salatu salam et à ses compagnons. C'est ça les prédécesseurs. Mafoum? Et il te dit wala yasdaqu laqab ahl as-sunnah wal jamaa illa alayhim. Ahl as-sunnah wal jamaa aussi on peut les appeler. Et on peut également les appeler Al-Athariyoun, les gens qui ont suivi les Athar. D'accord? Et on peut les appeler Ahlul Hadith. Et on peut les appeler. Suivant le Zaman et le Makan, on pourra leur donner un nom. Mais, de toutes les manières, les noms ne changent pas quoi? La réalité des choses. D'accord? Ça, on l'a pris, cette règle-là. Ça, vous vous souvenez? Comme ceux qui viennent, qui prennent de l'alcool, ils vous disent quoi? Ils disent ça, c'est de l'alcool qui s'appelle l'eau de vie. Tayyib, alors que c'est de l'eau de mort, hein, c'est de l'alcool, tu dis c'est de l'eau de vie. Et il change la réalité des choses. Mais faut avec quoi? Avec une autre tasmiya. Sah? Tayyib. La tasmiya, la tourni, la tusminu wa la tourni min jua. Hein, la tasmiya ne vaut rien. C'est que les actes qui comptent. Quelqu'un qui te dit, Ana, je suis le manhaj des salaf, salih. Je le suis. Mais à la fin, dans tous les amals, tu vois le contraire. Hada, il s'est acquis, c'est tout celui-là. Vous avez compris? Celui-là, là, il n'a fait que de se. De se purifier, de se donner une place qu'il n'a pas. Et les salafs, le manhaj des salafs, c'est le suivre dans tout. Ça veut dire que quand tu parles des salaf salih, tu les suis dans la aqida, certes, c'est la chose la plus importante, mais tu les suis dans tous les majels. Dans le majel de la da'wa, dans le majel de talab al-ilm, dans le majel de toutes les branches de la religion. Vous avez compris ça, inshallah? Taïb. Les salaf, par exemple, ils faisaient aussi des futuhat. Ils faisaient des futuhat, ça, ils faisaient des conquêtes. Kanu yujahidoun, les salaf. D'accord? Kanu yuqumun al-layl. Ils faisaient qiyam al-layl. Les salaf, ils faisaient telle chose et telle chose. Al-muhim, tu te réfères à cette génération-là, mais sous tous ses angles, pas sur une seule branche. Vous avez compris ça, inshallah? Bon. Et ce terme-là, et là, je fais une petite waqfa, désolé, je suis obligé, un petit arrêt. Ce terme-là, as-salafiyya wa as-salaf, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris. Beaucoup de gens qui se disent salaf et qui se disent salafi. De dire salaf, ils ne le disent pas, parce que salaf, ça y est, c'est la gérin. Salafi, le ya, il est nisba. Le ya nisba, qui veut dire quoi? Qui veut dire que j'appartiens à ce groupe-là. Mais tu ne dis pas, je suis salaf. Non, salaf, tu n'es pas un prédécesseur, toi. Mafoum, tu dis, je me réfère au salaf, et en arabe, tu dis quoi? Eish, tu rajoutes le ya. Comme si, par exemple, tu viens du Maghreb, tu ne dis pas, ana Maghreb. Non, tu dis, ana Maghribi. Vous avez compris? Ou ana Tunisi, ou ana Jazairi, il a akhiri. D'accord? Taïb, ou Firansi aussi. Taïb. Et aujourd'hui, salafi, c'est un terme que certains utilisent, mais ils l'utilisent, mathalan, pour se purifier et pour montrer quelque chose, ça c'est sûr et certain, pour montrer quelque chose et qu'ils n'ont pas, et qu'ils ne font pas partie de ces salafs, des gens qui suivent les salafs salih. Et pour exemple, d'abord, est-ce qu'on est tous d'accord sur le lafz salafi? Là, je vous ai donné les exemples. Le lafz salafi, il est légiféré ou il n'est pas légiféré? Il est légiféré, ça? Il est légiféré. Jusqu'à maintenant, on est tous d'accord, ça? Taïb. Existe-t-il des autres termes qui sont légiférés, mais pourtant, que suivant le contexte, ils vont être interdits? Ça existe ou pas, ça? Naam? Quoi? Le wahhabisme. Ouais, on n'a jamais entendu cela. Non, mais justement, il n'est pas légiféré, le wahhabisme. Hein? Sunnite. Il n'est pas légiféré. Il n'existe pas, ce terme-là, le wahhabisme. Dans notre dîn, moi, je vous parle. Al-muhajirin, al-ansar. Al-ansar, al-muhajirin, ça. Allah, il a dit sabiqoun, al-awwaloun, al-muhajirin, al-ansar. Allah, il a parlé des muhajirin et qui? Et Al-Ansar, صح? طيب. Un jour, il y a eu un petit conflit entre les Sahaba. Malgré que le terme, regardez, le terme, il est quoi? Il est cité dans le Coran. Ça veut dire qu'il y avait des Muhajirines et il y avait des Ansar. Et Allah a permis cette tasmiya, cette nomination, ce nom-là, il l'a permis et il a légiféré. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui étaient à Médine et on les appelait comment? Les Ansar et les Muhajirin qui venaient de où? De la Mecque. Mafou? Taïb. Juste pour les déterminer. Mafou? Taïb. Et un jour, il y a eu un petit conflit. Taïb, il y a eu un petit conflit entre eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, alayhi salatu salam, il est venu, il a intervenu au milieu du conflit. Alors, il y en a un qui a bousculé l'autre, ou je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé, à la kulli hal. Il y a eu un conflit, et il y en a un qui a dit « Ya lal muhajirin !» Les frères, approche-toi Moussa, parce que tu vois le soleil là, il ne faut pas qu'il te tape comme ça. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, ça c'est une parenthèse, il te dit, la taille d'une pièce de soleil, alors que toi tu es à l'ombre, toi tu es à l'ombre, c'est la taille d'une, et tu dis « Hada dhar jiddan !» Tu dis ça fait énormément de mal. C'est impardonnable, ça fait beaucoup de mal ça. Et il y a aussi le hadith qui dit de ne pas s'asseoir entre l'ombre et le truc. Après, si c'est des lumières comme ça va. Mais je parle du soleil directement. Mafoum ? Taïb ? Vous connaissez le hadith, hein, celui qui s'assoit entre l'ombre et le soleil. Bon, on revient sur Masalat Salaf. Alors, Muhajirin, ils ont Ya lal Muhajirin. Ça, c'est le Ya, le Lam l'Istiratha. C'est-à-dire, c'est comme s'ils demandaient secours. Ya lal Ansar. Alors, tout de suite, ils ont fait deux groupes. Ils ont dit, El Muhajirin, venez. El Ansar, venez. Ça peut même se passer chez nous. Ça. Hein? Par exemple, les gens des chaînes, avec les gens du quartier d'à côté. Ça, pourquoi? Parce qu'on se connaît depuis qu'on est petit, etc. etc. Ça peut arriver, ça. Là, c'était les Sahaba, radiallahu anhu, les meilleurs des khalq. Après le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est les meilleurs des khalq, c'est Sahaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce conflit-là. Alors chacun il a utilisé le terme Yal Muhajirin, Yal Ansar. D'accord? Parce que quand même, on est des Muhajirin. Et quand même, nous aussi, on est des Ansar. Le prophète, alayhi salam, est venu au milieu, il a dit Abi da'wa al-jahiliya wa ana bayna adhwarikum, da'ouha fa innaha muntina. Regardez, tout de suite, il a fait l'inkar, le prophète, alayhi salam. Il a dit, c'est quoi ça? C'est avec les prétentions de l'jahiliya maintenant que vous allez régler vos problèmes? Avec les... Hein? Parce que les Arabes, ils avaient une chose. Et ça, il faut connaître aussi le tarikh des Arabes. Il y a un bon livre sur ça, il s'appelle Bulugh al-Arab fi ma'rifati ahwal al-Arab. C'est un livre, il est magnifique, je vous le conseille. Il est en deux volumes, de l'Alousi. Il explique qu'avant, les Arabes, ils avaient une politique entre les tribus. Ils venaient, ils faisaient ce qu'on appelle al-mufakhara. Mufakhara. Ils venaient, par exemple, moi j'étais la tribu, par exemple, des Zayd. Et les autres, c'était la tribu des Aus, par exemple. Et bien, pour faire la Hagra, c'était la Hagra, hein, ils venaient, ils se posaient comme ça, ils disaient, nous, le plus nul d'entre nous, il vous fait ça, il vous fait ça, il vous fait ça, il vous fait ça, il vous fait ça. T'as compris? Vous avez compris? Ou alors, ils te disaient quoi? Nous, nos femmes, elles font ça, elles font ça, elles font ça, elles font ça. Genre que même leurs hommes, ils font pas ça. Tu vois? Que des trucs comme ça. Et voilà, c'était que des... Et ils se balançaient des chi'r et voilà. Et le Mufakhara, et des fois, ils se mettaient à plusieurs comme ça. Tu sais, genre, ils se mettaient à plusieurs comme ça et ils montraient leur force. Et puis après, les autres, ils se calmaient, ils disaient, bon, c'est bon, on les laisse tranquilles. Et là, c'était le fawda, hein, chez les Arabes, c'était vraiment le fawda. Mais ils avaient ce qu'on appelle le Mufakhara, d'accord? Là, ça fait partie de quoi? De l'jahiliya. Parce qu'Allah a dit, « La yaskhar qawmun min qawm, asan yakunu khayran minhum. » Sah? Allah a dit qu'un peuple ne se moque pas d'un autre, car il se peut qu'il soit meilleur. Sah? Taïb. Alors, eux, ce n'était pas leur but, bien sûr, mais c'était des choses de l'jahiliya, des choses que l'jahiliya, que le prophète, alayhi salatu wasalam, a voulu faire quoi? A voulu réprimander. Alors, il y a le Muhajirin et l'Ansar, et le prophète sallam, il a fait l'inkar. Les ulama ont déduit de ce hadith une chose qui est très importante. Ils ont dit, le nom de Ahl-Sunnah, de Salafiyya, de Ahl-Hadith, tout cela, on peut les légiférer. On peut dire, allez, vas-y, vous avez suivi les gens du hadith, vous faites partie des gens du hadith. Vous avez suivi Ahl-Sunnah, vous faites partie des gens d'Ahl-Sunnah. Vous avez suivi kada kada, il n'y a pas de problème. Ahl-Sunnah wal-Jama'a, allez. Il n'y a pas de problème. Salafi, il y a pas de... Salafi, Athari, Kada, vas-y, zid. Il n'y a pas de problème. Walakin, lorsque toi, tu utilises un terme légiféré pour diviser la communauté et dire qu'il n'y a que toi qui es sur la vérité, ça, c'est l'al-jahiliya. Vous avez compris? Et ça, le prophète, il a dit quoi? Il a dit que c'était da'wa al-jahiliya. Donc, quand est-ce que tu as le droit d'utiliser ce terme-là, as-salafiyya? C'est quand tu veux montrer la croyance, la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a, mais en globalité et en général. Tout le monde, tous, on se dit quoi? On se dit salafi, nous on suit ces gens-là, mafoum. Mais maintenant, ce n'est pas parce que tu ne me suis pas dans des messa'il, dans des questions sur lesquelles il y a divergence, d'accord, que je vais faire de toi quoi, une personne qui n'est plus salafi. Vous avez compris? Moi, j'ai vu des gens, et j'ai entendu des gens dire, s'il n'écoute pas un tel, c'est pas un salafi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a mis le dîn, il a mis la religion, que sur cette personne-là. Ça, halala. C'est vrai ou c'est faux? Vous savez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah sur ça? Il dit, celui qui donne la même importance à un homme, c'est-à-dire il réfère les gens à un homme, écoutez bien, hein, il réfère les gens à un homme, c'est-à-dire il les prend, il les tire, il les ramène vers un homme, que ce soit l'imam Ahmed, que ce soit n'importe qui, et il les ramène vers il les réfère à cet homme-là, d'accord, en se disant que celui qui ne le suit pas dans tout ce qu'il dit, eh ben c'est un, comment dirais-je, yani que s'il ne le suit pas dans tout ce qu'il dit, eh ben c'est quelqu'un qui est égaré. Il dit, celui qui fait ça, t'as dit, il dit que il a mis à égalité, il a rendu égal cet homme-là au prophète, alayhi salatu wasalam. Vous avez compris? Et ça, mes frères, ça peut commencer par le fanatisme sur un shirk, et ça finit par le kufr. Et je vous le dis, ça finit par le kufr. Et je préfère bien vous faire peur sur ça, ça finit par le kufr. D'ailleurs, et ça existe, vous verrez, le relou, ça va très vite. Hein. Le relou, ça a été la cause que des gens sortent de l'islam, comme le Qom de Nuh. Le Qom de Nuh, c'était qui? C'était des Nes Salihin. Ils ont fait du relou sur eux, mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré en dehors d'Allah. C'est vrai, c'est vous? C'est vrai, c'est vrai. Les frères, le relou, tu l'incarnes. Le relou, l'exagération, de n'importe quelle taille qu'il a, n'importe quel truc, tu l'incarnes ou tu ne l'incarnes pas? Tu le réprimandes ou pas? Nous, les frères, moi, je vous apprends une chose, inshallah ta'ala. Je ne vous apprends pas à me suivre aveuglément ou à suivre les gens aveuglément. Ce que je vous apprends, c'est les délits. Suivez les preuves, les frères. Si un jour, wallah, moi, j'aimerais bien que les frères me disent, oui, c'est quoi la preuve de ça, Abou Zayd? C'est quoi la preuve de ça, Abou Zayd? Moi, avec ça, avec des frères comme ça, on avance. Même, tu viens, et tu me dis, non, il faut suivre un tel, il ne faut pas suivre un tel, etc., etc. Cette hizbiya, c'est ce qu'on appelle la hizbiya, la vraie, le partisanat, le sectarisme, exactement, le sectarisme qui existe au sein des salafis, ça, yekhwan, ma anzallah bihi min sultan. Allah, subhanahu wa ta'ala, et le din se désavoue de cela. Moi, je vous le dis, ce din se désavoue de cela. Le din se désavoue de cela. Il y a, oui, une secte sauvée, mais la secte sauvée, alhamdoulilah, inshallah ta'ala, elle est large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui se réfèrent aux sahaba, aux compagnons, et la khiri, et la khiri. D'accord? Et ça, alhamdoulilah, ton père, ta mère, tu viens, tu lui parles de sahaba, il va les insulter? Ben non, il va dire, c'est eux les meilleurs, ça, oh là là. Hein? Leur aqidah, au moment, c'est Ahl Sunnah wal Jama'ah. Bon, après, ils ont deux, trois petits trucs, peut-être que ce n'est pas clair dans leur tête à cause de l'ignorance qu'ils ont, dans des sujets qui sont subtils. Il faut les régler, c'est tout. Mais je vais dire quoi? Je vais poser la question, habite un salafi? Il va rien comprendre. Surtout maintenant, aujourd'hui, quand on vous pose la question, est-ce que tu es salafi? Aujourd'hui, on peut te poser cette question-là, ça? Moi, une fois, quelqu'un de ma famille, t'es un salafi? Toi, t'es un salafi, toi? Regarde tout de suite. De la manière qu'elle a posé la question, ça veut dire qu'elle avait déjà, oui, des a priori. Elle s'est dit, ah, celui-là, elle est khatir. Parce qu'elle a vu, l'ahya, elle voit la télé, l'ahya, ben, c'est des salafis. Hein, ça? Taïb, moi, je lui dis, ça veut dire quoi pour toi, salaf? Tu sais ce que ça veut dire? Elle me dit, non, je sais pas ce que ça veut dire. Je lui dis, renseigne-toi d'abord sur ça. Après, elle me dit, bah, dis-moi, tu vas me dire. Je lui dis, bon, regarde, salaf, ça veut dire sahaba. Bon, direct, hein, moi, je lui dis sahaba, parce que c'est eux les meilleurs salafs, ça. Je dis, c'est sahaba. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, t'as déjà vu dans Bukhari, Muslim, les compagnons, tout ça. Elle me dit, oui, c'est les compagnons, oui. Je lui dis, ben, c'est eux, c'est suivre ces gens-là, c'est être salafi. Toi, t'es une salafi. Je lui dis, ouais, moi, je suis une salafi, alors, dans ce cas-là. Voilà, c'est ta vie. C'est tout, c'est ça. Mais maintenant, salafi kétiste, salafi djihadiste, salafi kégiste, ils te rajoutent des istes maintenant, et des salafis maintenant, ils te les qassam. Ça c'est faux. Le salafi djihadiste, ou le salafi kétiste, ou le salafi, ça c'est des taximètres qui les donnent encore plus pour nous séparer. Mais vous, parce que kétiste, tout le monde cherche, hein? Tout le monde cherche la quiétude, tout le monde cherche la tranquillité à travers le, hein, la science et l'ilm, etc. Ça, là, là, tout le monde le cherche, hein? Donc, le musulman et le salaf, salih, si on regarde, par exemple, vous voulez un exemple d'un salaf? Je vous donne un exemple d'un salaf. Hein? Abdullah ibn Mubarak. Une année, Abdullah ibn Mubarak, il faisait talab al-ilm, il étudiait. Une année entière, il étudiait. Une année, il faisait le djihad fi sabillah. Il allait au front des conquêtes islamiques. Une année, il faisait le hajj. Et une année, il faisait tijara, le commerce, pour financer tout ça. Vous avez compris? Et un jour, il a perdu sa marchandise, il a pleuré. Il dit, ah, il y en a, il est venu, ouais, t'es un Zahed, toi, pourquoi tu pleures et tout, normalement, c'est rien, ça. Il dit, ya miskin. Il dit, hadha qutu dini. Il dit, ça, c'est ce qui alimente ma religion. Vous avez compris? Tu fais de l'argent, mais pour alimenter ta religion. C'est pas quand t'as, après tu penses à acheter, tiens, je vais acheter un Porsche, tiens, je vais acheter un kada, une bait, un kada, kada, kada. C'est pas haram. Mais voilà qui ne pense plus à quoi? Hajj, Umra, kada, kada, des choses qui vont t'apporter. Puisqu'Allah t'a donné. Remercie-le. Sahalala. Remercie-le avec quoi? Avec l'adoration. C'est ça les salafs. C'est des gens dans tous les majels, dans tous les majels, ils sont là. Ils connaissent le Coran. Au minimum, ils connaissent le quart. Au minimum, ils connaissent le quart ou la moitié. Ou Al-Muhim, ils connaissent beaucoup. Il est beaucoup attaché au Coran. Vous avez pas remarqué une chose? Ceux qui sont attachés au Coran, ils sont toujours bien guidés, bidnillah ta'ala. Il est toujours le khair. Yani, tarjou fihim le khair. Sah ou lala? Sur les huffats, Coran, etc. Tu sens une sakina sur lui. Tu verras une sérénité sur lui. Tu verras des choses que celui qui n'a pas le Coran, eh ben, il n'est pas. Sah ou lala? Pourquoi? Parce qu'Allah dit Allah yarfa'u bihada al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah élève les gens. Des gens avec ce livre-là et il en rabaisse avec ce livre-là. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, le salaf, c'est tout un minhaj, c'est toute une voie, c'est toute une manière de vivre. Ce n'est pas, oui, t'es avec moi, t'es un salafi, t'es pas avec moi, t'es pas un salafi. Ça, ça n'existe pas, ça. Ça existe sur Twitter. Mafoum, ça existe sur Twitter, ça existe sur les réseaux sociaux, mais ça n'existe pas sur le din, ça n'existe pas, ça. Allah, il a dit, wala tafarraqou, ne vous divisez pas. Hein? Aham shay, les frères, je reviens sur ça, sur Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, c'est donc un aqida, c'est donc une minhaj, c'est donc une voie, et c'est muta'allaq bihada ad-dars, qui est quoi? Qui est le fait de suivre le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Donc vous, maintenant, mes frères, quand on va vous demander quelque chose, dans n'importe quel masala, dans n'importe quelle question religieuse, ne dites pas un tel, il a dit. Wallah, je vous demande par Allah. Ne dites même pas, même moi, celui qui. Akhokum, Bouzaïd. Ne dites pas Bouzaïd, il a dit, ou laquelle. Ça, c'est du taqlid. Dis le délit. Même si tu n'es pas capable, apprends-le hier. Essaye d'apprendre le délit. Essaye d'apprendre la preuve. Essaye de. Hein, de faire. De regarder, yani de. D'expliquer le dîn toujours avec quoi? Avec ses preuves. Et ne pas l'expliquer avec les paroles des gens. Le plus grand des malheurs aujourd'hui qu'on a, c'est. Ouais, il y a un khilaf dans la mas'ala, il y a shir un tel qui a dit, il y a shir un tel qui a dit. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, c'est qu'on ne regarde jamais les preuves de ces chouyoukhs-là. Pourquoi? Et alors que c'est ça le plus important. Tu vas comprendre les preuves, quand tu vas comprendre les preuves, tu vas comprendre le dîn. Mais si ton dîn. C'est un tel il a dit, un tel il a dit, c'est pas du din ça. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Nous, c'est pas un manque de confiance. Attention, c'est pas. Quand je vous dis ça, c'est pas pour dénigrer les savants. Abadan. C'est pas pour les mépriser. Non. C'est pas pour faire ça. C'est pour vous dire, eux, quand ils nous rapportent, justement, nous, on prend leur kalam. Mais, on regarde quand même, wesh, leurs preuves. Et est-ce que ces preuves-là. Attention, c'est pas fini. Et est-ce que ces preuves-là vont. Dans le même sens que le salaf al-salih, le sahaba et l'akhiri. Vous avez compris? Avec ça, tu seras tranquille. Vous avez compris? Et dans toutes les questions religieuses, si tu es comme ça, alhamdoulilah, tu vas réussir. Mais si tu commences à tortiller, tu commences à regarder yani, le nom du shir plus que l'épreuve, là, mon frère, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Et c'est ça que moi, je veux des frères. C'est que il dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Mais Allah, il a dit ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Vous avez compris? Et tous les musulmans, ils étaient bien quand ils étaient comme ça. Quand ils disaient, Allah a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Wallah, si vous lisez l'histoire, mes frères, des ajaib. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. C'est comme ça et c'est pas autrement. Khalas, c'est ça. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'mina, idha qadha Allah wa rasuluhu amran, an yakuna lahum ish, al khiyaratu min amri. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est ça la salafia. C'est ça, se suivre ce chemin-là. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et toutes ces questions qu'il y a autour de nous, politiques, ou ceci, ou cela, tout ce qui est, ou alors social, ou elle, c'est simple d'avoir une réponse sur ça. Il y a les hadiths et il y a les ayats. Et tu peux regarder. Par contre, il faut que tu ailles voir celui qui est accroché au dalil. Ça, c'est ça qui est important. Quand toi, tu te réfères à quelqu'un qui est au ilm, il faut que tu te réfères à quelqu'un qui quoi? Qui se réfère aux preuves. Et non pas à quoi? Et non pas aux paroles. Aujourd'hui, sur Twitter, tu crois que quelqu'un, quand il te fait une liste, quand il te ramène un grand message, il te dit Cheikh un tel a dit ça, Cheikh un tel a dit ça, Cheikh un tel a dit ça, Cheikh un tel a dit ça. Si tu fais une recherche sur Google, tu le fais, hein, ça, tu fais la même chose. Hein. Nous, on parle du fond de la question. On parle du fond de la question avec ses preuves. On est capable d'analyser, bien Ta'ala. Tu es capable. Alhamdoulilah, Allah, il t'a donné quoi? Il t'a donné un amour. Comme nous, là, on est en train d'étudier les asma aussi faites. Là, tu es capable d'analyser ou pas? Tu es capable d'avoir une bonne aqida ou pas? Ben oui, sinon mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Ah, chez toi, c'est mieux. Inch'Allah. Vous avez compris? Donc, attachez-vous aux preuves, les frères. Attachez-vous à la parole d'Allah d'abord, à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après à la parole des sahaba, radiallahu anhu. Et sachez que le dîn, il a été, inna dîna inda Allah islam, Allah, il a dit, al-yawma akmaltu lakum dînakum. Donc, il y a juste à rechercher après. Amma de venir, de nous dire, oui, c'est un tel shir, et c'est un tel shir qui a raison, les autres, ils ont tort. Ça, c'est faux, ça. Allah musta'an. Donc, le premier qisme de gens, c'est ceux qui ne font pas d'interprétation. Et ensuite, il te dit, et ceux qui ne font pas d'interprétation et qui ont suivi les textes à la lettre et la khéré, c'est qui? C'est les salaf salih, c'est-à-dire de parmi les compagnons et le prophète, alayhi salatu wa salam, avant tout cela, qui leur a enseigné cela, bien sûr. Et comment ils l'ont su, les sahaba? Ou plutôt, comment on a su qu'il ne fallait pas débattre dans les questions des noms et des attributs? Tout simplement par le silence des Sahaba. Vous avez compris? Ça veut dire que le silence du savant, c'est une science. Vous avez compris? Tu te tais là où ils sont tus, ma faume, et tu parles là où ils ont parlé. Vous avez compris? Donc eux, leur silence sur ces questions-là et leur acceptation des textes sans aucun problème doit nous montrer que nous-mêmes, on peut l'être aussi, puisque nous, on doit les suivre. Vous avez compris? Ils ont jamais eu, sahaba, tu vas leur dire par exemple un sahabi, tu vas lui dire les arabes d'une jumla, jamais, ça n'existait pas chez eux. Kharaja Zaydoun, kharaja fi'lun madhi, et Zaydoun fi'lun marfou, alamatu raf'i, dhamma, ila akhire, hein? Ça n'existait pas chez eux. Mais ils savaient ce que ça voulait dire, kharaja Zaydoun, il n'y avait pas besoin de ça, vous avez compris? Il n'y avait pas besoin de parler de tahrif, de ta'wil, de ta'kif, etc. Ça n'existait pas chez eux, parce que eux, ils ont eu le dîn comme ça en bloc. Ils ont eu le dîn directement, ils n'ont pas eu besoin de ces choses. Mais faut, c'est après qu'il y a eu les bid'ahs, c'est pas important. طيب وقد أجمع على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. regardez لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه إيش صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل ولا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها لكن ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى كلامه le ha ça veut dire ايش انتهى كلامه le ha ici ça veut dire quoi ça veut dire انتهى كلامه ça veut dire quoi ça veut dire que la parole a été fin de citation يعني c'est ça que ça veut dire نقل ذلك ايش ابن عبد البر عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الفتوى الحمويه صفحه كذا وكذا après il te dit جيم جيم سي كوا سي المجلد من مجموع فتاوى لابن القاسم وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم والثاني باطل، لأنه لا يلزم، لأنه يلزم أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. طيب لي ça c'est tout ce qui est toute la première partie. تفضل. Ils se sont rassemblés sur cela, ça veut dire quoi? Ijma'. Ijma', on a dit, c'est le consensus. Franchement, c'est le consensus. Le consensus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la Ummah est d'accord sur ça. Et lorsque la Ummah est d'accord sur ça, on a dit quoi? On a dit que la yajouz, il n'appartient pas à ceux d'après de être en désaccord avec cela. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, a dit, la tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté ne se réunit pas sur un égarement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est réunie, c'est sur une idée. Taïb, tafadhal. Ibn Abd al-Barr, c'est le Maliki, un grand alim, Hafid al-Maghrib, on l'appelait, Abu Omar Youssouf ibn Abdillah, et il était Andalousi, d'accord? C'était un alim du Maghreb, mais il était en Andalousie, il vivait en Andalous. Il est né en l'an 300. 62, il dit ici, en l'an 302, il est mort en l'an 300. Non, il est né en l'an 362, Naam, de l'Égypte. Et il était. C'était un grand alim connu dans le Maghreb et dans l'Andalous. Et c'est un homme qui avait beaucoup de inaya, beaucoup de soins à prendre les ijma' des Sahaba et des Tabi'in. Il faisait énormément attention à cela. Et c'était un sunni, aqida tayyiba, kul shay. Ibn Abd al-Barr, c'était une référence fi al-Maghrib al-Arabi. Et quand on disait le Maghrib, ça englobait également l'Andalousie. L'Andalousie qui était l'Espagne. Ça y est, l'Espagne. Inch'Allah, tarja, Inch'Allah. Regardez, le majaz, il l'a appelé métaphore. Sens figuré ou métaphorique, mafoum. Taïb, continue. Voilà, ces informations, tous les textes qui concernent quoi? Qui concernent les Asma Sifat. D'accord? Taïb, vous avez compris cette règle-là? C'est-à-dire que toi, tu leur fais ce qu'on appelle un ilzam. Tu les mets au pied du mur et tu leur dis, regardez, Al-Mubtadi'a, soit les salafs, ils en ont parlé, soit ils n'en ont pas parlé. Ou plutôt, soit ce que vous dites, vous, ça a été dit chez les salafs. Vous avez compris? Chez les Sahaba, Tabi'in, et l'akhir. Vous avez compris? Taïb. S'ils disent... c'est-à-dire leur chouyour, parmi les sha'ira et tout ça, ils disent la même chose que les salafs et salih, on leur dit, vous mentez. Il n'y a aucune preuve qu'ils le prouvent ça. Abadan. Jamais les sahabas sont rentrés dans ce genre de détails. Mafou. Si maintenant, ils te disent, c'est vrai, c'est faux, et bien khalas. Ben, suivez-les. Après, on va dire, mais c'est quoi le dalil que je les suis? Et là, tu ramènes tous les dalils du Coran et de la sunna qui prouvent quoi? Qui prouve qu'il faut suivre les Sahaba, et ceux qui les ont suivis avec maîtrise. Tellement vrai. Vous avez compris? Donc, alhamdoulilah, nous, c'est une chaîne de transmission, le din. Hein? C'est une chaîne de transmission. Quand il y a un maillon faible ou qui a été pollué, il a akhiré, ben celui-là, on l'élimine, de toute façon. On l'élimine. Et on est capable, walillah alhamd, de revenir au salaf al-salih très simplement. Et c'est pour ça que je vous dis, l'accès aux preuves. Allah, il a hafad son din. L'accès aux preuves et l'accès au din sahih, c'est facile. Et la preuve, regardez-la. Alhamdulillah. Quand tu cherches, tu trouves. Bidnillah. Fadda. Hein? Ça dépend c'est qui te dit ça. En fait, il faut voir quelle est la personne qui va te dire ça. Parce que l'histoire des hadiths ou de la chaîne de transmission, Ça, les ulama, walillah alhamd, ils en ont parlé. Et ils ont ramené des qawa'id dans ce qu'on appelle mustalah al-hadith. Mustalah al-hadith, c'est la science du hadith, d'accord? Ils ont ramené des qawa'id que même certains historiens eux-mêmes ont témoigné et ont dit que si on avait mis en application ces règles-là de mustalah al-hadith dans notre histoire et dans nos manuels d'histoire et dans nos livres, etc., il y aurait eu moins d'erreurs. Donc pourquoi les orientalistes et les kuffars et les historiens, ils vont témoigner de cela si ce n'est pas une œuvre par laquelle il a khiré. Taïb. Nous, premièrement, si c'est un musulman qui dit ça, c'est simple de lui répondre. La première des choses, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun ». C'est le Coran, صح? Taïb. C'est le Coran. Et « Al-yawm akmatu lakum dinakum ». Notre dîn, il est mahfouz. Il y a simplement le fait d'aller vérifier l'information et l'akhir. Et c'est pour ça que Abdullah Mubarak disait وَلَوْلَا الْإِسْنَدْ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, tout le monde aurait dit ce qu'il veut, hein, à qui il veut. D'accord? Il dit ce qu'il veut et il invente un dîn. Ce qui prouve l'importance de la chaîne de transmission. Et justement, nous, par le fait que la Ummah, elle a la chaîne de transmission, elle a l'isnet, on a la capacité de quoi? De vérifier. Mathalan, on va prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a des Huffaz Qur'an. Ils ont une chaîne de transmission jusqu'au prophète, alayhi salam. Moi, j'ai un hadith sur lequel où il y a une chaîne de transmission jusqu'au prophète, alayhi salam. Et tous les chiouchs, ils sont cités dans un hadith. Lui, un tel a dit, ça remonte jusqu'à Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que ce dinna, walillahi alhamd, il est mahfoud. Après, celui qui dit tahtamil shik, tu dis d'accord, le shik, si on remet en question toutes les informations, d'accord, on va les remettre en question pour deux choses. Soit les rapporteurs de cette information ne sont pas fiables, d'accord, ou soit il y a un trou dans la chaîne de transmission. Mais pas par le fait de dire c'est un chèque et puis c'est tout. T'as compris? C'est un chèque et puis c'est tout, c'est un doute et puis c'est tout. Non, ça sera trop facile. Mafoum. Parce que tu lui dis, et même ta parole, toi aussi, c'est un chèque. tu comprends, même ta parole, toi aussi, c'est un chèque. Mafoum. Et tu verras une chose, il y a Abdelkarim, c'est que la personne qui dit ça aussi, qui dit Yahtamil Shek, tu lui dis qu'il y a des informations, il est impossible que tu Yahtamil Shek. Il y a des informations, par exemple, quand on va lui dire qu'il y a eu un incendie, d'accord, à Mina, telle année du Hajj, est-ce que il va pouvoir le réfuter ce truc-là? Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui étaient là, qui l'ont vu, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle un khabar aussi, mutawatir. D'accord? Mais ceux qui disent ça souvent, c'est les gens. Enfin, je ne parle pas de si c'est un adl, la personne. Moi, je te parle d'une personne qui serait un mubtadi', mathalan. Ceux qui ont utilisé le plus ce genre de discours en disant que la chaîne de transmission tahtamilu shak, c'est-à-dire il est possible qu'il y ait un shak dedans, qu'il y ait un doute dedans, c'est les Mu'tazila. Les Mu'tazila, ils disaient que le hadith, il faut absolument qu'il soit mutawatir. Et il ne faut pas qu'il soit ahad. Alors, tout ce qui est ahad, c'est tout ce qui est en dessous du mutawatir. Et mutawatir, le khabar mutawatir, c'est le hadith dans lequel il n'y a aucun doute. Mais quand ils disent il n'y a aucun doute, c'est quoi? Celui, le hadith dans lequel il n'y a aucun doute, c'est le hadith qui est rapporté. Bon, après, ils ont dit 30, que 30 ont rapporté, que 40, que 50 ont rapporté. Ils l'ont fait avec le hadith, d'accord, avec le. C'est plus au niveau du nombre qu'ils sont basés sur ça. Vous voyez? Nous, on leur dit, oui, ça c'est vrai, qu'il est plus il y a des jama'at qui le rapportent le hadith, plus il y a des possibilités que c'est. que c'est sahih, ça c'est vrai. Walakin, il est possible aussi que il y a des gens, c'est des huffaz Qur'an, vous avez compris, des huffaz Qur'an, hafiz kitabillah subhanahu wa ta'ala, hafiz kitabillah, il connaît plus de 600 pages par cœur, sans se tromper. T'imagines, c'est quoi? Celui-là, sa mémoire, elle n'est pas pareille que les autres. On ne peut pas le considérer que celui-là, sa mémoire, elle est comme les autres. Elle n'est pas pareille, sa mémoire. C'est vrai ou c'est faux? Il a fait ses preuves, il a connu, il connaît le Coran par cœur. Au moment où tu lui dis, récite-moi tel verset, il te le récite. Donc celui-là, il a une mémoire qui n'est pas pareille que les autres. Et les muslimines, c'est ça la différence qu'il y a eu entre nous et les kuffars. T'as compris? Nous, on avait des hafadat kitabillah, on avait des hafadat din, et qu'ils prenaient les enseignements hein, de cette manière-là, c'est-à-dire avec le hifz et l'akhiré. D'accord? Mais eux, les kuffars, Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, il a regardé si les Nasara et les Yahoud, ils avaient des chaînes de transmission. Il en a trouvé deux ou trois, et ils ont vu qu'il, et en plus, il était munqati', il était coupé, le sanad, il était, la chaîne de transmission, elle était coupée. Donc, hein, s'ils avaient ces chaînes de transmission, t'inquiète pas qu'eux aussi, ils l'auraient utilisé. Une des plus grandes preuves que le hadith, quand on le juge sahih ou da'if, et l'importance aussi de cette science-là, de la science du hadith, c'est les kutub al-rijal. Kutub al-rijal, tu vois, Tariq ibn Asakir, il est en 50 volumes. C'est des fiches, tu vois les fiches d'état civil là, familiales, là, c'est le truc, les fiches d'état civil. Un tel est né là, il est rentré dans tel qaria, il est mort dans tel qaria, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et ensuite il est sorti, etc. Un tel, il a rencontré un tel fil hajj, un tel, il a fait ça. C'est ça les livres de tariq fi l'islam, imaginez-vous. C'est-à-dire que quand toi tu rentres dans une maktaba, tu lis ces livres-là, tu as une capacité de faire ton enquête sur tel rapporteur, est-ce qu'il a rencontré tel rapporteur ou pas? Est-ce qu'il a vécu à la même époque ou pas? Est-ce qu'il y a eu la possibilité qu'ils se sont rencontrés ou pas? Il y a eu des livres qui ont été écrits sur ça. Des encyclopédies, des murs et des murs à la entière, là, de celles-là. Et moi, je les ai vus de mes yeux, ça. Ça veut dire que oui, t'as entamé le chèque, si tu veux. Mais à partir de quoi? À partir du moment où on prouve qu'il y a un chèque. Mais l'asl, c'est que si on a ramené une chaîne de transmission, sinon, il n'y aura pas de hadith daif. T'as compris? Nous, les musulmans, on accepte, alhamdoulilah, la critique en disant qu'il y a des hadiths qui sont sahih, mais il y a aussi des hadiths qui sont quoi? Daif. Comment on a su qu'ils étaient daif? Avec les deux éléments que je t'ai dit. Le rapporteur, il n'est pas bon. Hein, le rapporteur, il n'est pas fiable. Ou alors quoi? Ou alors, il y a une coupure dans le sanad. Mais si moi, j'ai réussi à remonter l'information, à dire que Bouzid a entendu de Mohammed, qui a entendu de Moussa, qui a entendu de lui, et que, effectivement, en faisant l'enquête, à la fin, tous les éléments sont là pour dire que j'ai vécu à la même époque que Mohammed, il a vécu, ainsi que Moussa, ainsi que truc, et que on avait un cours tous les samedis, ça aussi on a réussi à le prouver, etc. Et bien, khalas, c'est obligé que l'information elle est bonne. Vous êtes d'accord avec moi? Surtout qu'en contrepartie, on arrive à vérifier des informations qui sont mauvaises. Ça veut dire que dans les moutons, dites-vous une chose, hein, c'est que dans les hadiths, des fois, ils disent « Wa hadhihi al-lafza laysat bi sahiha ». Et cette phrase-là, elle n'est pas sahiha. Pourquoi? Parce que Mohammed, cette chaîne de transmission, l'ont rapporté de cette manière-là. Et par contre, l'autre chaîne de transmission, il y avait un tel, mais un tel avait des troubles de mémoire. Ah, comment on fait? Troubles de mémoire, hop, on efface la phrase et on dit le sanad mu'tamad, c'est celui de truc. Donc ça prouve qu'il y avait un filtrage. Ça prouve qu'il y a truc. Ça veut dire que même dans l'amal, quand tu regardes Ahlul Hadith, comment ils étaient, hein, il faudrait leur faire un cours dans le hadith à ces gens-là. Tu les dis ça. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer une autre chose, ce qui est adib dans ça. Parce que Mahmoud, c'est parce qu'il a fait le hadith, hein, c'est pour ça. Taïb, je vais vous expliquer une chose. C'est quoi? C'est que les kuffars utilisent des règles que nous utilisons pour rendre un hadith sahih ou pas. Vous savez ça? Vous savez ou pas? Vous savez pas ça? Ben, moi, je l'ai vu avec les renseignements, hein, les RG, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils te prennent toi, tu vois, toi. Toi, toi, toi. Bon, Mouhim, je t'espère pas, mais de toute façon, t'as rien à cacher. Ils te prennent toi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te poser des questions, toi. Mais les mêmes questions, il va les poser à l'autre. Et l'autre, et l'autre. Et à la fin, ils font quoi? Une réunion d'information. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent s'il y a une possibilité, une cohérence dans les informations. Vous avez compris? Et à la fin, ils font le rassemblement de cette chose-là. Et à la fin, ils te disent, ouais, c'est bon ou c'est faux. Vous avez compris? Vous avez compris comment ils font? Eh bien, ce système-là, dites-vous une chose, c'est que les ulama dans le hadith, ils faisaient la même chose. Ils rassemblaient toutes les informations, ils rassemblaient tous les hadiths, et à la fin, ils faisaient le filtre. Vous avez compris? Ils disaient, non, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Mais eux rajoutent à ça qu'ils avaient des indices qui étaient encore plus forts. C'est que nous, on pouvait être d'accord sur un mensonge, moi, Mohamed, l'autre, etc. Hein? On raconte un mensonge. Vous avez compris? Or que c'est impossible en vérité, parce que si toi tu l'as pris à part et l'autre tu l'as pris à part et l'autre tu l'as pris à part, normalement il n'a pas le temps de savoir si. Il n'a pas le temps de raconter sa version. Mais dans le hadith, les frères, rajoute à cela qu'il y a quoi? Il y a la tarjama, il y a la biographie qui compte du rapporteur. Parce qu'attention, pour vous donner un exemple, dans le hadith, un homme un jour, il a vu. Un hadith, je crois que c'était le Bukhari. Il a vu un avec une comme une canne à pêche là, avec une carotte. Et il faisait avancer l'âne comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je prends pas son hadith à celui-là. C'est un trait envers un âne. Pourquoi il ne serait pas un trait envers le hadith? Voilà. Et c'est comme ça, et c'est des hommes comme ça, et des hommes pieux, et des hommes qui connaissaient le Coran par cœur et qui avaient la crainte d'Allah, qui te rapportent des hadiths. Et qui rapporte, t'as compris un truc? Donc en vérité, moi j'ai envie de dire oui, il y a mais il faut nous ramener, faut nous prouver le contraire. Parce que nous, quand une enquête elle est faite, parce qu'en vérité, chaque hadith, voilà ça que je veux te dire, chaque hadith c'est une enquête. Tu me suis? Viens, mets-toi là, c'est mieux pour toi. Chaque hadith du prophète, en réalité, c'est une enquête. Le Bukhari, rahimahullah ta'ala, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il faisait istikhara à chaque hadith qu'il allait rentrer dans son livre. Il connaissait 200 000 hadiths sahih. Et il en a mis combien? 7, 8 000, un truc comme ça. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Chaque rijal de Al-Bukhari, il donnait, lui, le chart Al-Bukhari, il donnait comme condition qu'il l'avait rencontré au moins une fois dans sa vie. Chaque personne dans le sanad. Imagine-toi. Donc les conditions d'acceptation des hadiths suivant le mot hadith, suivant d'un mot hadith à un autre, ne sont pas les mêmes, c'est vrai, mais de cette manière-là, on peut vérifier l'information. C'est comme si moi je te dis, voilà, je t'ai ramené un reportage, comment dire, une enquête, et je te dis, prouve-moi le contraire. Je t'ai fait tout un rapport, et je te dis, prouve-moi le contraire. Le hadith, c'est la même chose. Et quand on te ramène un hadith sahih, dis-toi une chose, c'est que le alim derrière, là, il a fait tout un travail avant de le poser. Hein, devant toi. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est magnifique ça. Et subhanallah. Donc, yahtamil shik, d'accord. Mon enquête, tahtamil shik, prouve-moi le contraire. Après, l'histoire de ahad et mutawatir, c'est du bidon, hein. Ça c'est n'importe quoi. Je vais te donner un exemple. Ils ont dit quoi? Une fois, il y en a un, et ça, je donne l'exemple, avec un, une fois, qui a fait une khutbah. Et c'est un mu'tazili. Il était à fond dans les trucs de mu'tazila. Il disait. N'acceptez pas le hadith mutawatir, n'acceptez pas le hadith ahad. N'acceptez pas le hadith ahad. Attention, parce que c'est qu'une seule chaîne de transmission, ou alors c'est que certaines personnes qui l'ont rapporté, ils ne sont pas beaucoup dans la chaîne de transmission. Des fois ils sont un, des fois ils sont deux. Yahtamel Sheikh, exactement qu'est-ce qu'il disait. Yahtamel Sheikh, etc., etc., etc. Taïb. Il dit ça dans la khutbah. En plus, il a le sharh dans sa khutbah celui-là. Hein? Et bien, il dit ça. À la fin, il lui dit, d'accord, nous, on n'accepte pas ton khabar, t'es tout seul, toi. Voilà comment il lui a retourné la situation. Vous avez compris? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'envoyait pas une seule personne dans un pays. Il envoyait Mu'ad au Yémen, ça. Hein? Ali, radiallahu anhu, vers Bahreïn, et l'akhiri. Il envoyait une seule personne. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est la fiabilité de la personne. La qualité et la fiabilité, et non pas les quantités, etc. Les quantités, oui. Les quantités. Ça sert, mais dans un contexte. Mais pas devant la fiabilité d'une personne. Ma foum yahouan. Donc, Yuhtam el Sheikh, tu lui dis d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, quand je te ramène un hadith, si tu me prouves le contraire, je te dis d'accord. Yuhtam el Sheikh. Ma foum. Moi, j'ai tous les délits pour dire que c'est un hadith qui est sahih. هذا مكان، مي بون سا سندرج دون المصطلح ابري. خلاص كملت، vous avez compris là le on finit cette règle là. خلاص on a fini là non. Il manque le deuxième qism. Il y en a trois. طيب ليلى انت arrivé où؟ ها خلاص وصلت له معليش. ها ouais, lis là, lis là. Si moi, si ce que j'ai lu, il faut que tu le lises. La deuxième partie, Athani, c'est ça? Athani. Taïb, qala. An yuqal inna al-haq imma an yakuna. Ça, je l'ai lu, ça. Qism al-thani, ah, d'accord. Qism al-thani. Qism al-thani, man ja'alu al-zahir al-mutabadir min nusus al-sifat ma'nan batilan. La yaliqu billahi wa huwa al-tashbih. Wa abqaw dilalataha a'la dhalika. Wa ha'ulai hum al-mushabbiha. Wa madhabuhum batil muharram min iddati awjuh. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى هو السميع البصير. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. زي la comparaison, le tashbih, la ressemblance, la comparaison, le tashbih. Ils ont maintenu ces sens sur cela. Ces gens sont des anthropomorphistes et leur école est nulle et illicite pour maintes raisons. C'est eux qui ont fait ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, le tashbih. Ils ont dit Allah, si tu dis qu'il a une main, il ressemble à ses créatures. Donc il ressemble à ça. Et il y a le tamthil qui est akhtar. Tamthil et tashbih, ce n'est pas la même chose. Tashbih, tu veux faire ressembler, tu fais ressembler, mais tamthil, si tu dis la main d'Allah est comme ça. Vous avez compris hein? Elle est comme ma main, tamthil. Tu dis hada mithla hada. Tashbih, c'est ressembler, mais mithl, c'est pareil. Dire exactement la même chose. Mafoum, il y a un petit wajh d'iqa, une petite subtilité entre les deux. Taïb, vas-y, fini. L'anthropomorphisme, c'est celui qui donne un corps à Allah, c'est ça? C'est ça, hein? Celui qui fait ressembler à Allah aux créatures. Taïb. Non. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Déjà, ils mettent le verset entier. Des jouz lahum. وهو السميع البصير نعم ليس كمثله شيء على ها tu dis ليس كمثله de toute façon c'est le même verset, c'est le verset 11 seulement tu mets trois petits points avant, d'accord? Bah oui, c'est une attaque au nosos, ça veut dire de faire du tashbih, parce que de faire du tashbih, Allah a dit rien ne lui ressemble, ليس كمثله شيء, rien ne ressemble à Allah. خلاص, donc il a fait une attaque directe. Ouais, voilà. Alors vous verrez ici que Shir a commencé d'abord par le dalil sam'i. Le dalil sam'i qui vient du Coran et de la Sunna. Et ensuite il fait quoi? Il ramène le dalil aqli. Ça veut dire que moi, non seulement je peux te ramener les preuves du Coran que ce que tu dis c'est faux, mais en plus, même avec le aql, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre quoi? Entre le khaliq et le makhlouq. D'accord? Et que le aql n'accepte pas, ne peut pas faire ressembler le khaliq au makhlouq. Le aql ne peut pas accepter ça aussi. Comment peut-on affirmer avec les explications des textes une comparaison entre les deux? La troisième raison est cette compréhension que les anthropomorphistes ont eu des textes est contraire à la compréhension des prédécesseurs. La compréhension de ces gens est donc nulle. Voilà. Si un anthropomorphiste dit « Moi, je ne comprends pas la puissance de la loi, c'est sa main que comme celle de la créature. Et Allah Azza wa Jal s'est adressé à nous qu'avec ce que nous connaissons et que nous savons. Par la raison. La réponse à cela est de 300. Vous avez compris la question ? Est-ce que vous avez compris là ? Il dit Anna la aqil min nuzul illahi wa yadihi illa mithl ma lil makhluq min dhalik. Voilà. Là, on revient à quoi ? On revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il dit, moi, je ne raisonne que cela. Dans ma raison, il n'y a que ce que, par exemple, le nozoul, c'est que le nozoul qui vient à mon esprit, c'est ce que le nozoul du makhlouq. Voilà, c'est le nozoul du makhlouq. La descente, c'est la descente du makhlouq. La main, c'est la main du makhlouq pour moi. Pour moi, ça peut être que ça. Vous avez compris comment là c'est un petit peu plus subtil. Là ça y est, il te ramène lui vers sur quoi ? Sur son piège, yani. C'est vrai parce que Allah il nous a parlé avec une raison, d'accord ? Mais la raison qui haddad, qui limite, qui délimite ce qu'on connaît de notre monde. C'est vrai ou c'est faux ? C'est là que ça commence à se compliquer là. Vous avez compris ça ou pas ? Mafhoum ? Tayyib. Ouais. Ouais, on a ramé les chalé. Allez, vas-y. La première raison est celui qui s'est adressé à nous sur cela n'est autre que celui qui a dit de lui-même. Il n'y a rien qui lui soit semblable. Là, il y a encore une erreur. Là, il s'est commis de l'échec. Tu vois, il n'a pas mis au Samuel Bassé. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette erreur-là. D'accord ? Celui qui nous a parlé, il nous a dit que rien ne lui ressemble. Donc, khalas. Khalas. Le texte, il est clair. Vous avez compris ? Donc, tu n'as pas à toi à venir de commencer à me dire, oui, tu as raison, elle ne raisonne que ça. Tu as raison, elle peut raisonner le texte. Tu as raison, elle peut comprendre le texte. Oui. Qu'est-ce qu'il dit Allah ? Laïsa kamithli shay. Khalas. Hein ? Vas-y. C'est bon ? Wa naha ibadahu an yadhribu lahu al-amthal wa yaj'alu lahu andada. Vas-y, lis. C'est juste après, vas-y, lis. Ou de lui donner des égaux. Tayyib. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, hein, lui il t'a dit, moi j'ai envie de faire le tashbih avec quoi ? La descente d'Allah. Et j'ai envie de faire le tashbih avec quoi ? Avec ma main, yed. Moi je comprends que ça. D'accord ? Premièrement tu dis, mais Allah il a dit, laïsa kamithli shay. Donc là t'es, khalas. Et en plus Allah il dit, fala tadribu lillahi al-amthal. Ne donnez pas des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, en disant que c'est la même descente et en disant que c'est la même main et l'akhiré, là tu as fait de l'anthropomorphisme, tajbih, kada. Et en plus, tu tombes dans l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai ou c'est faux ? Donc khalas. Après, s'il te dit, non mais en vérité, c'est de la ressemblance aux créatures, s'il te dit c'est de la ressemblance aux créatures, je vous ai donné le niqash là, que l'Uthaymi l'avait. Si tu dis, il te dit, bon, je le répète, le niqash avec le thème, il dit, si vous dites ça, vous dites que vous la faites ressembler au quoi ? Au makhloukat. D'accord ? Au makhloukat. Si vous dites ça, ça veut dire que vous l'avez fait, nous, à le sunnah, on a fait ressembler à Allah à qui ? Au makhloukat. À partir du moment où on affirme quoi ? Un attribut. Vous avez compris ou pas ? Ça, c'est ce qu'ils disent eux, que nous, on fait. Taïb, on leur dit, comment on fait alors ? Il dit, ben, on ne le fait pas ressembler au makhloukat. Taïb, on le fait ressembler à quoi ? Il dit, on ne le fait pas ressembler tout court. Donc, d'accord, vous l'avez fait ressembler au néant. Vous avez compris ? Toi, ça y est, tu le tires des makhlouqat, tu dis, d'accord. Tu ne veux pas faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala au makhlouqat. Suivant ton raisonnement, hein, bien sûr, parce que nous, on ne le fait pas ressembler au makhlouqat. Nous, on dit, laïsa kamithli shay. Mais bon, on le dit, taïb, on le tire vers quoi ? On le dit, bon, d'accord, alors tu le fais ressembler à quoi ? Ben, on le fait ressembler à rien du tout. À rien du tout. Taïb, ben là, tu es d'accord avec nous. Khalas, si tu le fais ressembler à rien du tout, nous aussi on dit laissez comme léger. Non, mais non. Et akhiré, après, il revient quoi ? On le dit là, si tu enfiles la sifa, si tu dis que cette sifa-là, parce que après, à la fin, il va te dire quoi ? Il va dire la sifa, elle n'existe pas. Hein ? C'est ça qu'il va dire. Il va dire pourquoi ? Parce que laissez comme léger, ça veut dire que lui, laissez comme léger, il ne l'utilise pas comme toi. Lui, il l'utilise pour dire que Allah, il est ma'doum. À la fin, que Allah, c'est le néant. Sauf que toi, tu lui dis, à ce moment-là, tu l'attrapes, tu lui dis, mais toi, là, t'es en train de faire ressembler Allah à qui ? Au néant ! Vous avez compris ? Donc, soit tu l'as fait ressembler aux créatures, soit au néant. Mafoum ? Il te dit, non, non, non. Là, il s'arrête encore, Cheikh Al-Thaymi. Il dit, non, moi, je ne le fais pas ressembler au ma'doumat. Je ne le fais pas ressembler à quoi ? Au ma'doumat, c'est-à-dire au néant. Aux choses inexistantes. D'accord? Aux choses inexistantes. Plutôt, makhloukat, c'est des choses qui sont existantes et les choses qui sont inexistantes. Après, il va te dire quoi? Il va te dire, bah, ni l'un ni l'autre. C'est ça qu'il va te dire à la fin. Chouf, le niqash, regarde comment il va le rendre majnoun, celui-là. Il va dire, ni les choses existantes et ni les choses inexistantes. Je ne le fais ni ressembler à ça, ni ressembler à ça. Là, il s'akamit l'éché. Et bien là, tu lui dis, alors là, tu as fait le pire. Là. Tu l'as fait ressembler au mustahilat, à l'impossible. Parce que la chose, soit elle existe, soit elle n'existe pas. Sahalal. Allah, shay, tu peux le wasaf de shay. Laysa kamithli shay, le verset, qul ayyu shay'in akbaru shahada. Allah, hein, subhanahu wa ta'ala. C'est, Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un être. Donc forcément, il existe. Et son existence n'est pas la même que celle de la création, des créatures. Taïb. Donc soit tu mets de cette existence et tu dis que toutes les sifats qu'il a, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, que tout ça, ça lui est propre à lui, d'accord? Tout ça c'est propre à lui, ou soit tu ne dis pas ça. Mais tu ne commences pas à philosopher, tu me dis, il ressemble à des choses existantes, il ne ressemble pas à des choses existantes, et à la fin tu tombes dans quoi? La contradiction de dire ni l'un ni l'autre, et tu l'as fait ressembler à quelque chose qui est impossible. Car personne ne peut s'imaginer que quelque chose existe et en même temps il n'existe pas. C'est vrai, c'est faux? À part les philosophes. Finkielkraut, tout ça, là. Hein? Ils peuvent s'imaginer ça. Ça existe, mais en vérité, ça n'existe pas. Hein? طيب خلي هذا ونفيني الدرس بتاع هذا يدمون كذا مفهوم وصاعد لنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كلامه كله حق يصدق بعضه بعضا لا يتناقض